Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Deuxième épisode. Previously, dans Septembre rouge. C'est la rentrée littéraire de septembre. La jeune Liliane vient d'être embauchée aux éditions du Bac et découvre les règles du jeu sous l'autorité d'Anne-Sophie, l'attachée de presse historique de la maison. Liliane a rencontré Stanislas Norvide, écrivain vedette du Bac. Il va avoir le prix Goncourt pour son roman Fleuve, L'amour est mort. Tout le monde en est convaincu. Écoutez ça, tiens. Dans la salle de service de presse où la table ancienne a été réinstallée. Un éditeur, disait quelqu'un, c'est un homme qui lit tous les journaux et refuse tous les livres. Je précise, presque tous. À quoi j'ajouterais deux choses, c'est quelqu'un qui publie des livres que personne ne veut lire et pratique l'art d'écouter ceux que personne ne désire entendre. Hein ? Merci pour le cadeau. Cette citation de Maurice Sachs, c'est un enchantement. Moi, je vais en coller des bouts dans la moitié de mes dédicaces. Le deuxième degré, hein ? Le deuxième degré, ça nous sauvera. J'ai mis les piles à votre gauche, les étiquettes à droite. Ouais, merci, je sais. 23 ans, comme je vous disais. Vous voulez un café ? Merci, oui, bien sûr. Il ne le boira pas. Vous le posez à droite, avec les étiquettes, du sucre et deux petits sablés poilanes, il y en a dans le tiroir de mon bureau. Stan, chérie, jure-moi que tu ne le boiras pas. On a besoin de toi jusqu'en novembre. Un bon petit infarctus, ça peut aider la promotion d'un livre, Marc. Hein. Et pour mon Goncourt, je pense même que ça serait tout indiqué, non ? Si tu es prêt à tous les sacrifices. Et au fait, t'as des nouvelles pour les listes ? On sait des choses. T'es quand même la spécialiste mondiale du billard à trois bandes. Et cette année, c'est mon année. Hein. La porte s'ouvre. Entre une jeune écrivain d'origine mauricienne qui vient faire son service de presse. Bonjour. On m'a dit... Ah oui, entrez, on va vous installer, on a pris du retard. Liliane, voici Maria Mellet, elle vient signer. Bonjour, j'ai lu votre premier roman, je l'ai adoré. Il y a 3 ans, je crois. La Mare, c'était un beau titre. Oh, bah merci. Je le dois à un écrivain que j'admire infiniment, Barlène Piamoutou. Vous connaissez ? Bénarès, bien sûr. Non, pas du tout. On va vous installer. Je viens de lui dire. Bah ouais, attends, je vous laisse la place. Hein. Honneur à la jeunesse, à la beauté. Mais non, Stan, ne fais pas l'idiot. D'ailleurs, il y a de la place pour deux. Elle a de toutes petites piles. Ah bon ? Pourquoi ? Allez, venez vous asseoir, Miss... Mellet. Stanislas Norvide. Enchantée. Pardon. Je sais, hein, bien sûr, que... Je suis confuse, excusez-moi. Elle va pas te faire d'ombre, c'est une violette, timide comme un chat. La délicatesse mauricienne, il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Dis donc, tu penses à quelque chose de précis, là ? Mise voilà, vous faites l'expérience du service de presse, et la deuxième fois, c'est la plus cruelle. Hein. Enfin, je dis ça, omnes vulnerant ultima necat. Vous comprenez le latin ? Maria, oui, bon, vous êtes bien installée, je... Liliane, vous mettez ces petites piles. Oui, d'accord. Et vous connaissez Maurice Sachs ? Non, bien sûr que non. Alors tenez, je vous lis ce qu'il écrit sur le service de presse, mais indépassable. Ça a presque 100 ans et on n'a pas dit mieux. Vanitas vanitatum et poussière devant. Écoutez ça. Les jeunes adorent ça. Ils se sentent célèbres rien qu'à inscrire le nom célèbre d'un autre sur la page de garde. Il y a des auteurs qui n'écrivent que pour pouvoir faire des dédicaces. Et celle-là, les hommes glorieux ont un l'air là et maussade comme des collégiens en retenue. Et les nouveaux ont l'air inspirés. Et les ambitieux ont des mines d'hommes d'affaires qui jouent leur va-tout. Les intrigants ont préparé de longue date des dédicaces adroites et flagordeuses. Il y a ceux qui écrivent sur la page de garde une lettre proustienne et les prudents qui signent un tel. Et les indépendants qui font des petits dessins. Et il y a ceux qui se hâtent et gribouillent et ceux qui font des modèles d'écriture. Oh, incroyable, hein? C'est un peu vain, non? Déprimant? Et tellement masculin. Ma petite, il va falloir déposer au vestiaire votre côté intello. On n'est pas sur France Culture. Et les clichés féministes, ça ne se fait pas du tout, du tout, en vérité. Ça ne se fait absolument plus. Qu'en pensez-vous, Maria? Oh, moi, je trouve cela très juste. Très cruel, mais très juste. Éternel, en fait, comme vous disiez. Mmh. Comme la Bruyère, mmh, ou la Rochefoucauld, mmh, ou Martial. Ça bougera pas. Vous me donnerez la référence. Oui, oui, ça va de soi, oui. Bon, allez, je m'y mets. Alors, ce bon vieux Mohamed Aissaoui, tiens, toujours premier de la liste, lui. Hein. Le Figaro, sévère, mais juste. Bon, on pourrait aussi bien dire complaisant, mais injuste, mais ça sonne nettement moins bien, non? Il ouvre le premier livre sur le haut de la pile, lève le coude et renverse son café sur la pile de livres de Maria et sur son t-shirt. Oh, oh là, oh là. Voilà, vous allez penser que c'est de l'agressivité, hein, de l'esprit de compétition, de la violence machiste, une tentative de viol. Eh ben oui, oui, oui, j'avoue tout. Non, mais pas du tout, pas du tout. On va penser que tu es maladroit. Heureusement qu'il était froid. Les écrivains sont toujours maladroits, non? Oui, alcooliques, mon Dieu, mais protégez-nous des commentaires prévisibles, comme nous vous avons protégés. Pas du tout, je voulais vous dire... Cher ami, ne dites rien, tout sera retenu contre vous. Il se met à dédicacer à toute vitesse, puis s'arrête, l'air pénétré. Ah, alors là, les académiciens, très sensibles, hein, très entraînés, hein, très, très finaux. Voilà, il faut réfléchir, et réfléchir à deux fois. C'est comme les jurés Goncourt, ils se montrent entre eux leurs dédicaces, ils se moquent si vous leur écrivez à chacun la même chose, ils sont vexés si vous leur écrivez moins long que le voisin. Et puis, il faut aussi se méfier des flatteries trop énormes. Hein. Les copains se fichent d'eux. Et si vous êtes trop sobre, vous êtes coulé. Alors là, mais une phrase peut vous couler, un compliment déplacé peut vous couler, une petite blague malvenue peut vous détruire, mais en plein vol. Et surtout avec mon titre, hein, L'amour est mort. Et là, je suis tenté. Bah, j'ai grand hâte de vous lire, vraiment. Tenez, acceptez que je vous dédicace le mien. Ah. Un exemplaire sans café. Pour Stanislas Norvide, en amitié, ce lait de la Lyonne, avec admiration. Très bien trouvé ce titre, je vous félicite. Mais je ne peux pas le prendre. Je vous en prie, cela me ferait très plaisir, vraiment. Non, je ne le lirai pas. C'est pas contre vous, hein, mais je ne lis pas en ce moment rien. Ça doit être terrible. Non, pas du tout, je ne lis pas quand j'entre en écriture. Et j'entre en écriture le jour où je commence le service de presse, hein, et c'est maintenant. Mais bon, vous pouvez très bien l'offrir à quelqu'un d'autre. Tiens, tenez, je vous montre. Hop. Et voilà, un exemplaire comme neuf. Restauré, comme ils disent, dans les soutes des maisons d'édition. Ben, merci. Il travaille en silence pendant un moment. Bon, alors, 20 pour le Figaro, 7 pour l'Humanité, 12 pour Mediapart, 8 pour les dernières nouvelles d'Alsace, 11 pour Ouest-France, 22 pour les Inrock, 10 pour Le Monde, 15 pour Libération, 9 pour Love, 18 pour Interne. Alors, je comprends que les éditeurs aient des problèmes de budget, moi. Sans compter que ces livres, aucun ne les recevra, ils seront tous perdus. Non, mais quelle folie, mon Dieu, mais dans quel monde, mon Dieu, mais tous ces gens, et nous jetons à leur tête, et ils en ont tellement rien à battre. C'est du papier pour emballer le poisson, pour des par les pipettes pour caler les tables bancales, relever les matelas. Il y a forcément des gens à qui ça fait plaisir de déchirer un emballage en carton brun et de découvrir... L'amour est mort, ouais. Ah, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, allez, Liliane, tenez cette pile, là, ces 50-là, c'est pour le coursier. D'accord. Vous pouvez le faire partir tout de suite, mon petit. Oui, bien sûr. Vous avez déjà dédicacé tout ça? Ben oui, il faut bien que ça serve, l'ancienneté. Allez, au revoir tout le monde. Mesdemoiselles. Oui. Au revoir. Ah... Mademoiselle Mulet, je sais que vous aimeriez beaucoup que je vous offre cet amour est mort. Et moi aussi, j'aimerais, mais bon, je peux pas. Mêlée. Ouais, mêlée. J'en ai trop peu, vous voyez. J'ai trop peu d'exemplaires personnels et ils ont énormément vissé. Avant, on pouvait en donner à tout le monde, à son fruitier, à son coiffeur, mais bon, c'est du passé tout ça. Hein. Les gestionnaires, les comptables sont passés par là. Fini la belle vie, les beaux gestes, le panache, tout compte désormais. Tout est compté. Voilà, excusez. Oui, allô, oui. Oui. Oui, oui. Oh, bah, oui, bien sûr, oui. En couverture le jour de la rentrée. Attention, ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir, Anna Livia. Carissima, oui. Oui, avec amour et abjection. Hein? Anne-Sophie! Anne-Sophie! Vous pouvez appeler Anne-Sophie, mon petit. Elle est en rendez-vous dans son bureau. Ben oui. C'est important? Évidemment que c'est important, oui. Anne-Sophie, ils sont partis, là, les 50 coursiers. Oui. Anne-Sophie, mais putain, la coupe de Vanity Fair, c'est un scoop, quand même. Déjà que c'est moi qui dois tout faire, en plus, personne ne réagit. Stan, mon lapin, ne commence pas à t'énerver. On est que le 25 août, il faut tenir encore 100 jours, comme l'empereur. Quel empereur? Je vous raconterai. C'est une vieille blague d'attaché de presse. Stan, viens dans le couloir. C'est quoi, cette histoire de couve? Ça peut être mauvais, tu sais. Je vous le dis à chaque fois, c'est terrible quand même. N'agissez pas dans votre coin, vous faites des conneries. C'est pas du tout professionnel, mon lapin. La couve de Vanity Fair en septembre, tout ce que ça va faire, c'est énerver les autres. On n'a pas besoin de ça, les énerver. Ah ben oui, mais écoute... Eh ben oui. Ça fait pas vendre un livre, la couve de Vanity Fair. Ça vous excite, hein, ça vous flatte, c'est tout. On vous reconnaît pendant 3 jours, et encore, à mon avis, on vous reconnaît si on vous reconnaissait déjà. Sinon, 3 jours... Nada, rien du tout. Mais ça énerve les autres. C'est mauvais pour les listes. Ça agace les libraires, ça agace les concurrents. Tu sais un peu qui c'est, les concurrents? Ils vont être comme des guêpes, et je te pique, et je t'asticote, et je te lance des bruits. Et avec toi, avec ton histoire, avec ta prudence légendaire, ta discrétion, tes casseroles, c'est pas dur de lancer des bruits. Bref, ça fout la merde. Franchement, Stan... Ça ne m'arrange pas du tout, ta petite affaire. Si Vanity Fair faisait sa couve sur Maria, je dis pas, mais ça ne risque pas d'arriver, remarque. Maria, viens. Ah, elle est partie? Oui, elle a dit au revoir, elle avait fini. Elle a bien noté que samedi matin, elle a rendez-vous à 7h sur le quai. Oui, elle a son billet. Quoi, vous l'envoyez à Nancy, elle aussi? Oui, je dois l'accompagner. On fera une vidéo sur place pour le site. Place Stanislas. Sur le quai de la gare de l'Est, samedi matin, 7h. Il fait frisquet. Enfin, j'ai peur. Moi aussi, le métro. Oui, bloqué, un colis. Tout va bien. M'entends? Ouais. Ah, Pivot! Comment ça va? Bonjour. Et Françoise, comment allez-vous? Bien. Belle journée, non? Oh, mais Françoise, mais vous resplendissez. Ah, hein. Oh, non, Bernard, vous formalisez pas, vous aussi, vous rajeunissez sans cesse. Oh. Mais je sais pas, j'ai jamais su, je saurais jamais faire de compliments aux hommes. C'est the old school, quoi. Hein? Ah, mes amis, je vous présente la jeune Maria Palais. C'est une plume, c'est un visage et des ailes, c'est une colombe, c'est les ailes de la colombe. Mais bon, là, je m'égare. C'est l'enthousiasme. Hein? Et puis, voici venu le temps des jeunes filles. Hein? Nous, les barbons, nous nous inclinons. Là. Ah, oui, je vois. Très bon, très bon. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je peux vous le dire sous le sceau du secret, puisque nous dévoilerons la première liste sur la Grand Place. La bien nommée. Oui. Mademoiselle... C'est un vrai grand plaisir de vous faire ce cadeau de si bon matin. Vous y êtes. Oh, non. Grâce à ce roman aussi lumineux que vous l'êtes. Merci. Vous voulez dire sur la liste? Sur la vraie liste? Ne dites pas que je vous l'ai dit, bien sûr. Françoise, je compte sur votre légendaire discrétion. Ah, Bernard. WhatsApp ne passe pas, les SMS ne passent pas. Faut que je fasse un buzz, que j'avertisse Anne-Sophie. Elle sait déjà, elle sait tout avant tout le monde. C'est la reine du billard. Ouais. Dites-moi, ça vous inquiète pas qu'il m'ait rien dit à moi? Je pense qu'il considère que votre présence n'est pas un événement. Il craindrait de vous vexer en vous le révélant. Et c'est peut-être une révélation puisque c'est une évidence. Cela va de soi. Votre livrière... Tous les deux, que nous y soyons tous les deux. C'est vraiment merveilleux, non? pour la maison, je veux dire. Non, c'est peut-être une manœuvre contre moi. Vous savez, on met votre livre et hop là, ça, moi, ça me neutralise, quoi. 2 litres pour Gallimard, hein, des livres, bon, pour Grasset, pour Le Seuil, bon, ça va de soi. Ma bon coup, des Biol, bon, Binet, Danzig, oui, mais pour les éditions du Bac, deux livres, c'est énorme, c'est trop. Ça peut vouloir dire 0 sur la seconde, ça peut donner n'importe quoi, quoi. Ouais, la manip, hein, je la vois à 100 mètres. Moi, je les connais, comme si je les avais fait. Ils ont l'air de défendre, je sais pas, la jeunesse, la francophonie, là, les femmes, je sais pas. Enfin bon, ou alors de faire de la part de l'ancien et du nouveau, là, et hop, moi, à la trappe. C'est une manœuvre, c'est évident. Oh, je suis désolée. Non, sûrement pas. Stanislas, ne soyez pas négatif, ne soyez pas anxieux. Vous ne pouvez que faire confiance à votre talent, à votre étoile. Vos 2 livres se détachent tellement du lot. Le train s'est arrêté dans la campagne. Le temps passe. Les haut-parleurs diffusent des messages. Nous sommes arrêtés au milieu des voies. Il est interdit d'ouvrir les portes et de tenter de descendre des wagons. Ah, Stanislas, votre débat avec Alain Bancou et Charles Dantzig commence dans 1 heure. Oui, bon, on pourra toujours le faire au bar. Je les ai vus tous les deux en voiture 13. Ah, vous les connaissez bien? Vous aimez ce qu'ils écrivent? Ils sont tellement attentifs aux autres, tous les deux. Chacun à leur manière, humain. Ah, mon petit, écoutez-moi. Apprenez à ne jamais dire quelque chose de plaisant sur un écrivain devant un autre écrivain. C'est insupportable, ça vous entre directement dans le cœur comme une flèche tartinée de curare et particulièrement dans un train arrêté en race campagne. Vous êtes tellement au-dessus, tellement différent. C'est impensable de vous imaginer jaloux. Je m'y résous pas, hein. Je vous crois pas. Elle soulève sa tasse de café, le train démarre brusquement et elle la renverse sur Stanislas. Pardon, n'allez pas penser. Vous allez croire que je commence à avoir de quoi faire le boss sur les réseaux. Bah, ouais, vous plaisantez, je suppose. Vous êtes payé pour vous foutre de moi. C'est un genre auquel je suis pas habitué, moi. Alors on fait quoi là, hein? Je vais pas faire le job dans cet état, moi. Je vous préviens. J'ai pris une chemise de rechange pour vous. Anne Sophie m'a dit. Je dérange. C'est une citation de Fernandel, le Spoons. Vous connaissez. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Il faut que je vous parle, mademoiselle. Oui, vous voulez que nous sortions? De toute manière, comme vous voyez, je dois aller me changer. Mais non, cher ami, je vous en prie. Je voulais, je suis très embêté. J'ai fait un impair terrible. Vous n'êtes pas sur la liste, mademoiselle Poulet. Mais là. Oui. Pardon, justement. C'est Joséphine Poulet qui y est. J'ai mélangé. Vos visages sont tellement... Ils ont quelque chose de gémellaire, la pureté, probablement. Oui, vous voulez dire sans doute que nos visages sont noirs. Vos âmes... Des âmes sœurs. Hein. Vos livres, des livres jumeaux. Oui. Et puis, vous êtes toutes les deux des Iliennes. Enfin, bref. Vous n'êtes pas sur la liste. J'en suis navré. Ce n'est pas un vain mot, navré, hein, pardonnez-moi. Je m'éclipse, je m'efface, je m'évapore avec confusion. Je sais pas quoi dire. J'ai la sensation d'être un ballon crevé. Un ballon noir, crevé et noir. J'ai un sifflement dans les oreilles. C'est pas grave, vous savez, je suis simplement étonnée d'être montée si haut et descendue si vite. En 2 heures, un samedi matin entre Paris et Nancy. Écoutez, mon petit. Vous savez, bon, les listes, c'est des bêtises. Hein. Vanitas, vanitatum, les poussières du vent. Hein. C'est... Mais alors qu'une œuvre, c'est autre chose. C'est la durée, c'est la persévérance, pierre à pierre, page à page. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. Le train pile, les verres se renversent, on crie. Les haut-parleurs diffusent un message. Nous sommes arrêtés en pleine voie. Une meute de sangliers s'est assoupie sur les rails. Ce sont des animaux protégés, il est hors de question de les bousculer. Nous vous informerons de la suite des événements. Des bouteilles d'eau vont être distribuées aux enfants. Les gens s'interpellent. Le train, visiblement, n'ira pas à Nancy. Les jurés Goncourt sont maintenant assis dans la voiture-bar qu'ils occupent presque complètement. Mais que vous arrive-t-il, Bernard ? C'est catastrophique. Ce train est catastrophique, cette journée est catastrophique, tout cela est catastrophique ou je ne m'y connais pas. Vous voulez dire quoi ? Vous parlez de quoi ? Nancy, des sangliers ? Votre gaffe avec la petite Mulet ? Maria Mulet, il l'a confondue avec Joséphine Mulet. Ça se comprend dans un sens. Les minorités visibles sont propices aux amalgames. Je veux dire, favorisent les confusions. Bref, je me comprends. C'est très très gênant. C'est assommant. Pourquoi, cher ami ? Pourquoi ? Comment ? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes ridicules. Pathétiquement ridicules. On va retrouver ça dans le canard. Où je ne m'y connais pas. Je vous en prie, cher maître. Il n'y a pas mort d'homme, un petit faux pas. Voilà tout. Que celui qui n'a pas confondu deux ravissantes me jette la première pierre. Cher Bernard, n'aggravez pas votre cas. Je propose que nous prenions une décision qui va régler à la fois le problème sanglier et le problème mulet. Ah. On annule Nancy. Ah. Oui. Visiblement, nous n'arriverons pas de si tôt. Et oui. On annule l'annonce de la première liste. Ah, ben. Plus d'annonces, plus de soucis. De toute manière, cette liste, je le dis chaque année, elle tombe trop tôt. Elle fige le jeu, le précipite en même temps. Oh non, c'est pas possible. Mon cher Bernard, oui. On vous laisse le soin d'aller l'annoncer au compartiment des éditions du BAC. Merci, Françoise. J'y vais, j'y cours. Quel voyage, décidément. Décidément, ces animateurs de télévision, aucun sang-froid. J'aurais eu vraiment grand plaisir à vous annoncer que votre roman Monde, que j'ai tellement apprécié, ce livre aux accents céliniens, aux angles bukowskiens, selon les écoles, aux titres si facétieux, si provocateurs, si gonflés, faisait partie de nos favoris. Et d'ailleurs, c'était le cas jusqu'à tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de vous donner la nouvelle. Mais il n'y a plus de liste. Nous avons décidé d'attendre. Encore 2 ou 3 semaines, que les choses se tassent, se décantent. Notre époque va trop vite, pour tout, ralentissons. Dans un train en rade, cet impératif sonne impeccable. Écoutez, mademoiselle, le train nous a ouvert les yeux, si je puis dire, et ma bévue avec mademoiselle Mêlée n'y est pas pour rien. Motus, je compte sur votre discrétion. Notre chance, c'est que l'amie Anne-Sophie ne soit pas du voyage. Bonne journée, chers amis. Je vais rentrer chez moi. Oui, je vais rentrer tout de suite. Allez, Liane, appelez Anne-Sophie, appelez Julien, appelez qui vous voulez, mais moi, je vais rentrer. À suivre. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Anne-Sophie. Ma petite, il va falloir déposer au vestiaire votre côté intello. Christiane Coendi. Liliane Sidoni. C'est un peu vain, non ? Clémentine Verdi. Stanislas. Vanitas, Vanitatum et poussière de vent. Jérôme Kircher. Je suis simplement étonnée Maria. D'être montée si haut et descendue si vite. Keren Marciano. Bernard Pivot. Il n'y a pas mort d'homme, un petit faux pas, voilà tout. Jean-Gabriel Nordman. Françoise Chandernagor. Cher Bernard, n'aggravez pas votre cas. Geneviève Nisch. Les jurés. Vous voulez dire quoi ? Vous parlez de quoi ? Véronique Affolder. C'est très très gênant. Jacques Garcy. Les minorités visibles sont propices aux amalgames. Jean-Marie Gallet. Le speaker. Les haut-parleurs diffusent des messages. Vincent Grasse. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage. Jean-Louis Deloncle. Pierre-Henri. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric Aussire. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.